Chapitre 7e. Boeing, vol New York-Paris, 28 décembre. Ce 28 décembre, Svetlana s'était levée plus tôt que d'habitude. Alexandre, son mari, arrivait des USA. Comme avec le décalage horaire, il serait fatigué et aurait besoin de se coucher. Elle décida de recevoir sa fille et son gendre pour le repas de midi, plutôt que pour celui de soir, comme cela se pratiquait fréquemment. Xenia se présenta la première. C'était une jeune femme de 35 ans. Au front bas et sec s'attachait un nez long, étroit, effilé. Les lèvres étaient deux minces traits d'un rose pâle, et le menton, court et nerveux, tenait au cou par une ligne souple et gracieuse. Elle embrassa sa mère. Elle lui semblait changée. La pâleur de son visage s'en était allée. Elle paraissait mieux portante, plus souriante, plus douce. À peine si sa bouche, en se pinçant dans une contraction nerveuse, creusait deux plis profonds qui donnaient à sa face une expression de douleur et d'effroi. La sexagénaire pensait voir Ivan, le mari de Xenia. Il n'était pas là. « Il ne va pas tarder à nous rejoindre, » dit la jeune femme. « J'espère bien, car le repas est prêt, » répondit-elle le ton agacé. À peine eut-elle fini sa phrase que son gendre entra. Il se débarrassa de son manteau et s'installa à table après l'avoir salué. Svetlana courut à ses casseroles. Xenia alluma la grande lampe de la salle à manger et servit l'entrée. Le lieutenant-colonel Ivan Kuznetsov, la quarantaine, grand, fort, le visage frais, fit honneur au premier plat. Il ne remarqua pas que sa tendre épouse contemplait, avec une sorte d'admiration, son front bas, planté d'une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d'une beauté sanguine. À la fin du repas, Ivan dit à sa femme « Ce soir, j'accueille ton père. Le premier ministre désire le rencontrer dès son retour des USA. Ne m'attends pas, chérie. » Puis se tournant vers Svetlana, il ajouta « Je ne sais pas à quelle heure. Je vais vous le ramener, belle maman. » « Aucun souci, Ivan. J'attendrai Alexandre le temps qu'il faudra. Je lui ai déjà préparé les mets qu'il aime. Il ne manquera de rien, » lança avec un sourire de bonheur la conjointe comblée. Ce sont sur ces mots que les convives se séparèrent. Ivan regagna la résidence du premier ministre Kozakov, Xenia celle du président Popov. Quant à elle, Svetlana remit en ordre le logement de fonction que son mari avait conservé, bien que n'étant plus ambassadeur. L'appartement numéro 517 qui leur avait été attribué était l'un des 700 logements d'une des célèbres tours staliniennes érigées sur la berge Kotelnicheskaya. Des trois gratte-ciel résidentiels de l'époque du petit père des peuples, le Kotelniki, comme l'appelaient les moscovites, était le plus fastueux et le plus monumental. Il avait fallu une vingtaine d'années pour le construire et achever les 26 étages qui culminaient à 176 mètres dans la partie la plus haute. Le logement privilégié de Kozlov disposait d'un balcon en terrasse, offrant l'une des plus belles vues sur Moscou. Les méandres des rivières qui irriguaient la capitale de la Fédération de Russie, le Kremlin, et la cathédrale de Christ Sauveur. Kozlov ne doutait pas que son épouse Svetlana, archéologue mais aussi historienne de formation, serait ravie de cette habitation chargée d'un glorieux passé. La grandiose architecture stalinienne était ici à son apogée. Au plafond, omniprésence du marbre, moulage réalisé par la fine fleur des artisans soviétiques de l'époque. Tout cela rendait l'intérieur unique et prestigieux. Les amples doubles portes d'accès n'avaient rien à envier à leurs homologues de New York. Une fois entrés, vous y disposiez d'une épicerie fine, d'un salon de beauté, d'une poste et d'un cinéma. Il pensait aussi que son épouse, qui avait dû quitter en cours d'année son hébergement parisien, se consolerait en retrouvant cette galerie marchande moscovite. Quant à lui, il se félicitait de n'avoir encore qu'à traverser la rue pour se rendre à la bibliothèque des langues étrangères. Il y avait là de quoi occuper agréablement son temps libre d'ambassadeur à la retraite. Se voir reconduit dans l'une des célèbres sept sœurs de Staline était une marque de faveur, il le savait. Il savourait et pensait à Rastignac, le héros de Balzac, qui aurait jalousé pareil honneur. Au même moment, Alexandre Kozlov était en avion. Après un mois aux USA, consacré à rédiger son rapport sur l'avenir de la Russie, il voyageait dans le Boeing allant de New York à Paris. Il devait ensuite prendre un Tupolev pour rejoindre Moscou. Le hasard l'avait placé près de Roman Abramovitch Zidov, un homme petit et assez fort, entièrement rasé, la quarantaine déjà grisonnante. Les joues épaisses, le menton carré, le nez busqué, avaient une immobilité blême, qu'augmentaient encore les paupières lourdes, retombant à demi sur de gros yeux noirs. Le grand économiste se rendait en Europe. J'ai écrit Le Goudron et les Plumes en collaboration avec Victor Ilitch Leonov, confia-t-il à Koslov. Je passe à Moscou pour voir ma famille, puis me rends mi-janvier à Paris afin de mener avec Victor la campagne internationale de promotion de l'ouvrage. Je profiterai de ce déplacement pour courir les expositions, les galeries d'art et les musées parisiens. Mi-novembre à Elfoy-Vizerne, rétorqua Koslov, j'ai vu Victor. Il m'a parlé de ce livre conçu avec toi. Dans l'article que j'ai lu, j'ai trouvé que tous deux vous démontez avec finesse les rouages d'un capitalisme sans foi ni loi. Si l'auditeur veut entendre l'entretien qu'ont accordé Victor Ilitch Leonov et Roman Abramovitch Zidov sur Le Goudron et les Plumes, qu'il consulte des archives du Kremlin en annexe au document C. Merci du compliment, rétorqua Zidov. Et toi, pourquoi dans cet avion? Je regagne aussi Moscou. Je m'y rends à la demande du Premier ministre qui désire me voir. J'ai envoyé au président un rapport sur la Russie nouvelle. Voilà un mois que je suis en Amérique du Nord. J'avais quelques recherches à effectuer à l'université d'Arkham. Il regarda sa montre. Le voyage va être long jusqu'à l'aéroport de Cheremetyevo, s'exclama-t-il. J'ai hâte de retrouver ma femme Svetlana, ma fille Xenia et mon gendre Ivan. Koslov tourna son regard vers le hublot. Le ciel était désespérément bleu pour une fois. Un ou deux nuages flottaient nonchalamment comme des œufs en neige sur une crème anglaise azurée. Après quelques banalités sur les conditions de voyage, les deux hommes en vinrent à parler du président de la Fédération de Russie et de ses 4 ans de mandature. Ils s'accordèrent pour dire qu'il faisait tout pour entretenir sa légende, sur les conseils avisés du chroniqueur Léonid Kikov, son expert en communication. Vladimir Popov singeait la posture de James Bond, photographié l'arme au poing. Ancien espion, il aurait pu mettre un terme à la carrière de 007 si ses supérieurs lui en avaient donné l'ordre. Il était l'homme russe par excellence, viril, brave et sans faiblesse. Bien que supportant la vodka, il buvait avec retenue. Il ressemblait au président américain des films hollywoodiens, capable de combattre un envahisseur extraterrestre ou d'arrêter une bande de terroristes armés jusqu'aux dents. Sauf qu'avec lui, la réalité dépassait de loin la fiction. On l'avait vu, par exemple, piloter un Canadair, accompagné de quelques centaines de vétérans de l'armée de l'air, quand il avait fallu circonscrire l'incendie dévastant 61 000 hectares de steppes et de forêts dans la région de Tunguska. Pas un mois ne passait sans que les médias russes ne diffusent un reportage mettant en valeur la bravoure du président et sa condition physique parfaite. En pleine trêve estivale, Popov publiait des clichés de ses vacances en Sibérie. En pantalon militaire kaki et en débardeur, il pêchait le saumon avec le premier ministre islandais dans la Chilka, la rivière qui, avec l'Argoun, donnait naissance au fleuve Amour. Il pagayait, coupait du bois, allumait un feu, offrait du chocolat à un enfant, bivouaquait, dormait dans un arbre, chassait le gibier, nageait et montait à cheval. Tout cela à 60 ans, torse nu sous l'objectif des photographes mobilisés pour l'occasion. En outre, champion du taekwondo, Popov ne faisait pas mystère que pour lui, cet art martial était avant tout une technique de contre-attaque qui apprenait aux combattants à se servir de la force déployée par son adversaire pour la retourner contre lui et le vaincre. Popov transposait la philosophie et les préceptes de ce sport à tous les champs de la vie humaine et de la politique. Ainsi agissait-il avec les gens qu'il approchait. Tous deux convinrent aussi que Popov avait pu relever sa Russie, en lui redonnant le sens de sa grandeur historique, sans renier l'héritage tsariste et la période soviétique. Il l'avait modernisée à marche forcée pour qu'elle transforme les richesses de son sous-sol et qu'elle soit la pointe des technologies. Depuis son arrivée, son seul souci avait été d'actualiser l'appareil productif, de renationaliser les entreprises privatisées dans la période qui avait suivi la fin brutale de l'URSS. Dans l'avion qui allait sortir de l'espace aérien américain, le personnel navigant rappela aux passagers les principales consignes d'évacuation en cas d'incident. Après avoir suivi la procédure de secours, Koslov et Zidov poursuivirent leur échange. Zidov en revint à Vladimir Popov et à son accession au pouvoir suprême, orchestrée par les guébistes, lobby composé des anciens membres du KGB et du GRU, puissantes officines de la vieille URSS. Il fit remarquer à Alexandre Koslov que le G du mot « guébiste » venait du terme russe « Gosudarstvennoï », signifiant « sécurité » et qu'à l'époque, dans une période troublée où le démantèlement de la puissance publique s'effectue au service de l'étranger, Popov leur était apparu comme un compromis acceptable. Il ne souhaitait pas permettre que l'on continue à piller son pays. il laissait de l'espoir aux conservateurs qui regrettaient l'ordre ancien. Il ne serait jamais le valet de l'Occident. Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Celui qui souhaite sa restauration est bon à enfermer, avait-il déclaré en préambule de son discours d'investiture. C'est alors que résonna l'annonce du commandant de bord. Il signalait aux passagers que l'avion atteignait les côtes françaises. Il allait commencer à amorcer sa descente vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Fin du voyage. Kosloff regarda par le hublot. C'était l'obscurité totale. Il renoua la conversation. Pour lui, la présidence Popov était avant tout un subtil mélange entre l'époque tsariste et la période soviétique. Le chef d'État avait privilégié certains axes. Il accordait à présent la plus grande attention à la question de la symbolique nationale. Le culte de la victoire de 1945, grande guerre patriotique, prenait chaque année de plus en plus d'ampleur. Le Kremlin finançait désormais régulièrement des films glorifiant les soldats de l'armée rouge. Tout bon patriote se devait d'accrocher à sa voiture ou d'épingler à sa veste le ruban orange et marron de l'ordre de Saint-Georges en référence à la plus haute décoration militaire soviétique. Il avait repoussé sans ménagement les demandes de l'aile conservatrice de son parti d'adopter à nouveau le drapeau impérial. Pour lui, le seul drapeau qui méritait de flotter sur le Kremlin était la Zbornaïa, l'étendard blanc, bleu et rouge de la Russie libérée du tsarisme, hissé lors de la révolution de février 1917. Il leur avait concédé cependant comme blason de l'État l'aigle bicéphale des Romanov et réinstauré l'hymne soviétique en faisant réécrire le texte par Mikhalkov, l'auteur des paroles. Il lui avait demandé d'ôter les références initiales au marxisme-léninisme. Attentif au constat de son camarade, Zhidov reconnut en effet que Popov, en tant qu'ex-directeur des services secrets, n'avait pas oublié de débaptiser le FSB pour lui restituer son nom mythique de KGB. Il se rappela que la cérémonie s'était tenue au quartier général de la Loubianka, siège historique du KGB, et qu'à cette occasion le président s'adressa au corps constitué. « Mon prédécesseur, Boris Lemakin, avait-il dit, pour des raisons sur lesquelles il est inutile de s'apesantir, a imputé au KGB la tentative de putsch dont il fut victime. Afin de punir les coupables, il changea le nom du service de sécurité l'appelant FSB et non plus KGB. Aujourd'hui, la nouvelle Russie est en paix avec elle-même. Il est temps de lever la sanction. Je désire que le KGB redevienne ce qu'il n'a jamais cessé d'être, l'épée et le bouclier du peuple russe. » Il avait ajouté narquoisement, « Ne trouvez-vous pas que les aventures de Bonn sont bien fades ces derniers temps ? Manifestement, vu que le KGB ne terrorise plus, les réalisateurs de films en viennent à inventer des oligarques comme ennemis. En redonnant à notre service son nom et son aura, peut-être allons-nous relancer la saga d'un monument du cinéma hollywoodien ?» Kosloff observa avec plaisir que Zhidov partageait son analyse sur les visées syncrétiques historico-politiques de Popov depuis les 4 ans qu'il gouvernait. Pour être tout à fait complet, il mentionna que dans le cadre du programme de redressement, Popov avait exigé que les ADL, les berlines officielles de l'ancienne nomenclatura soviétique, soient remises en production. Il avait établi une hiérarchie dans les voitures comme dans tout le reste. Pour les petits fonctionnaires, il était de bon ton de circuler en Lada Granta. Conçu avec Renault, le constructeur français, la Lada avait permis de tailler des croupières aux Coréens qui inondaient le marché intérieur de leurs véhicules. Pour les cadres du parti et de l'administration, c'était la Kalina. Elle avait fait chuter les importations japonaises sur ce segment. Enfin, les voitures de luxe de chez Zavodimeni Likachiova recevaient régulièrement des commandes de la Douma, de la présidence, du gouvernement, des gouverneurs locaux ou des oligarques. La ZIL 41048, la dernière née, fruit du travail commun entre le prestigieux carrossier Pininfarina et le designer star Gary Alekin, n'avait rien à envier aux belles américaines, aux robustes allemandes et aux élégantes britanniques. Telle était la vision du patriotisme économique à la sauce Popov. « En Russie, nous avons tout », s'exclamait Popov. « Nous devons donc produire de tout. » Kosloff et Zhidov rompirent leur échange sur le sujet au moment où l'avion, traversant une zone de turbulence, l'hôtesse de l'air leur demanda de mettre leur ceinture. Kosloff en profita pour regarder à l'extérieur. L'appareil survolait l'océan Atlantique. Le ciel était dégagé. Il devina sur la Grande Bleue le sillage d'un bateau qui n'avait rien du brigantin si ancré dans son souvenir. Lorsque Zhidov revint des toilettes, la conversation reprit sur l'action politique de Popov qui favorisait le syncrétisme. Koslov trouvait que Popov insistait sur l'importance des symboles du passé. « La Russie est l'héritière de tous nos aïeux, » rappelait-il. « Mon âme, comme mon cœur, se refuse à oublier ceux qui se sont battus pour nous. » Par-delà les symboles, il avait ordonné que l'on réécrive les livres d'histoire à l'attention des écoliers. Il avait sorti de l'oubli Ivan le Terrible, archétype de l'âme russe triomphante. Réhabiliter Staline, dirigeant ayant su d'une part conduire son peuple à la victoire et d'autre part relever un pays brisé par la guerre. Staline était un dictateur et un criminel, reconnaissait-il. Nous ne pourrons jamais lui pardonner le sang russe qu'il a fait couler et qui nous fait défaut aujourd'hui. Cependant, c'est sous ses ordres que le pays a gagné la Seconde Guerre mondiale. Sa gloire est donc immortelle. Ivan le Terrible et Staline étaient présentés dans les nouveaux manuels scolaires comme des modèles à suivre. En ce qui concerne Lénine, le président Popov s'était opposé à son enterrement. Il avait voulu qu'il restât dans son mausolée. Sans lui, avait-il coutume de demander, la place rouge mériterait-elle encore son nom? Pour Koslov et Zidov, sans conteste, l'histoire officielle était à l'œuvre. Tout le montrait. Les programmes scolaires avaient été refondus. Les martyrs du communisme étaient présentés comme des morts de la guerre contre le nazisme et comme des victimes de la reprise en main morale qui avait été nécessaire pour redresser le pays. Le président ne parlait jamais du goulag, du pacte germano-soviétique ou de la persécution des dissidents. Il se justifiait en disant qu'il y avait mieux à faire qu'à se rappeler de l'époque soviétique, des camps staliniens ou des répressions. Il ne manquait pas cependant de signaler « Les Américains présentent le génocide des Amérindiens comme une marche en avant de la civilisation. Pourquoi devrions-nous nous fouetter alors que nous avons déjà tant souffert ?» Il favorisa le retour obligatoire de l'éducation physique à caractère militaire dans toutes les écoles, GTO-soviétiques. Il faisait l'écoge du Komsomol, la fameuse organisation des jeunesses communistes, comme d'une irremplaçable école de la vie. Popov considérait que la fin du communisme avait plongé la Russie dans un vide idéologique et un chaos institutionnel. « Nous ne devons pas regretter l'idéologie d'État, disait-il, mais nous ne saurions vivre dans un État sans idéologie. » Quand les médias occidentaux l'interrogeaient sur sa tendance au révisionnisme historique ou sur son pouvoir autoritaire, il répondait « L'expansion de l'Occident a été facilitée par la supériorité de son organisation, de sa discipline, de l'entraînement de ses troupes, de ses armes, de ses moyens de transport, de sa logistique, de ses soins médicaux. Tout cela résultait d'une précoce révolution industrielle. » Il précisait « L'Occident imposait sa loi au monde pendant un siècle et demi. » Non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures aux autres, mais parce qu'elle a fait preuve de la plus féroce brutalité, sans le moindre état d'âme. Les Occidentaux l'oublient, mais les Russes s'en souviennent. Et il concluait « Le soleil se couche à l'Occident, mais il se lève à l'Est. Nous veillons désormais que cela le soit dans tous les domaines. » Au début de son accession au pouvoir, les menaces de Popov passaient pour les rodomontades d'un bravache, d'un populiste, tentant de redonner un espoir nationaliste à un peuple défait et perdu. Toutes les ampoules étaient à présent allumées dans l'espace passager du Boeing. Les tablettes et les sièges avaient été relevés. L'avion engageait sa descente sur Paris. À chaque palier, les oreilles de Koslov se bouchaient puis se débouchaient. Quand l'appareil toucha la piste d'atterrissage, il retrouva ses sensations habituelles. Tout était redevenu normal.